Oui, Marlin, c'est... Non, je suis d'accord, c'est vraiment beau. Hein, Corail, quand tu disais que tu voulais une vue sur l'océan, tu savais pas que t'allais avoir tout l'océan à vous, hein? Oh oui, c'est bon le bonheur du grand large. Ton homme a livré la marchandise ou il l'a pas livré? Mon homme a livré. Et ça a pas été si facile. Parce que des tas d'autres poissons clowns convoitaient cette maison. Je te prie de me croire, Corail, ils avaient tous l'œil dessus. Je te félicite, et le quartier m'a l'air génial. Alors, tu aimes ça, hein? Tu es sûre? Non, j'adore. Je suis très heureuse, je te jure. Mais Marlin, je sais que la falaise est très convoitée avec toutes les bonnes écoles et la vue superbe et tout. Mais est-ce qu'on a vraiment besoin de tant d'espace? Corail, chérie, c'est nos enfants qu'on parle. Ils méritent d'avoir ce qu'il y a de mieux. Regarde. Ils vont se réveiller, mettre leur petite tête dehors et ils vont voir une baleine passer juste devant la fenêtre de leur chambre. Chut, tu vas réveiller les enfants. Oh, c'est vrai. Ils rêvent. Il faut leur donner des noms, Marlin. Tu veux leur donner des noms à tous, tout de suite? Très bien. On va appeler cette moitié Marlin Junior et cette moitié Corail Junior. Ok, c'est réglé. J'aime bien Nemo. Nemo. On va en appeler un Nemo, mais j'aimerais que presque tous s'appellent Marlin Junior. Tu te rends compte? Dans moins de 3 jours, on va être des parents. Oui. Si jamais ils m'aimaient pas. Marlin. Quoi, c'est vrai? On a plus de 400 œufs, il y a des chances qu'il y en ait au moins un qui t'aime. Quoi? Tu te rappelles pas notre première fois? Ben, j'essaie de ne pas y penser. Ben, moi, j'oublie pas. Excusez-moi, mademoilleule. Non! Vous voulez regarder si j'ai un hameçon dans pas, ma lèvre? Marlin, oh, il faut vous rapprocher, il est au fond. Va-t'en. Le voilà, c'est lui le plus beau. Où est passé tout le monde? Non, Corail, fais pas ça. Ils sont bien où ils sont. Rentre à l'intérieur, je te dis tout de suite. Corail? Corail? Corail? Je vais pas me lever tout de suite. Pas toi, pas moi. Ok. Allez, debout, lève-toi. Ouais. L'heure de l'école. D'accord, je vais. Youpi. Wow. Nemo. Premier jour d'école. Nemo, ne bouge pas. T'arriveras pas à sortir de là tout seul. Je vais t'aider. Oh, Ok, où est la fracture? Tu sens une fracture? Non. Bon, on peut pas dire des fois à cause des liquides qui envahissent la région. Tu la sens envahie? Non. La tête qui tourne? J'ai combien de rayures, Nemo? J'ai pas de mal. Les rayures, combien j'en ai? 3. Non, tu vois, t'as quelque chose, je te dis. J'en ai 1, 2, 3. J'en ai 3, c'est vrai? Oh, alors t'as rien. Et la nageoire de la chance? Ça baigne. Fais voir. T'es sûr que tu veux commencer l'école cette année? Y a aucun problème, sinon tu pourrais attendre 5 ou 6 ans. C'est l'heure de l'école, partons. Ah, t'as oublié de te brosser. Oh. Tu veux que cette année, Mon te pique, Nemo? Oui. Brosse. Oh. Ok, super. Ah, t'as oublié un quoi? Où ça? Ici. Juste ici, et là. Ok, on est excité, premier jour d'école, nous voici tout ouverts au savoir, prêts à apprendre. Alors maintenant, pourquoi faut-il se méfier en abordant l'océan? C'est plein de périls. Très bien, mon gars. Alors d'abord, on vérifie que la voie est libre. Donc on sort, et puis on rentre. Ensuite, on ressort, et puis on rentre. Une fois de plus, sait-on jamais? On sort, et puis on rentre. Et parfois, si tu veux le faire 4 fois... Ok, on part, mon gars. Qu'en allant à l'école, je verrai un requin. J'en doute fortement. T'en as déjà vu un requin? Non, et j'en ai pas l'attention. C'est vieux, les tortues de mer? Les tortues de mer? C'est rien. Sandy Plankton, notre voisin, il dit que les tortues de mer, il dit qu'elles peuvent vivre jusqu'à 100 ans. Ah bah, si je rencontre une tortue de mer, je lui poserai la question après que je vais parler avec le requin, ok? Attends pour traverser. Tiens-moi la nageoire. Papa, tu vas pas t'énerver comme t'as fait au parc animalier, j'espère. Hey, cet escargot allait te foncer dessus. Je me demande où on doit aller. Au revoir, maman. Assez-vous, maman. Passez-vous prendre un peu d'école. Fais pas ça. Arrêtez un peu. Rendez à moi. Non, arrêtez. On va essayer là-bas. Viens. Excusez-moi, si on veut voir son professeur, c'est ici? Mais qui voilà sorti de son anémone? Oui, ça fait un choc, c'est... Martin, hein? Marlin. Potter. Phil! Hé, hey, t'es un poisson clown! Tu dois être drôle, non? Raconte-nous une blague! Oui, elle va sûrement blague, nous faire rire. Nous, on peut rigoler. Vous savez, c'est une idée fausse assez répandue. Les poissons clowns ne sont pas plus drôles que les autres poissons. Oh, je t'en prie, le petit marrant! Ouais, fais-nous un peu marrant. Oh, d'accord, je connais une blague. C'est un mollusque, hein, et il marche vers... Enfin, il marche pas, il nage plutôt. Non, en fait, le mollusque ne bouge pas, il reste au même endroit. Et là, il y a un concombre marin... Non, c'est, je me trompe. Il y avait un mollusque et un concombre de mer. Aucun des deux ne marchait. Oubliez que... Sheldon, sors de la cour de Monsieur Johansson tout de suite! Ça suffit, les enfants! Mais où ils sont passés? Papa, est-ce que je peux aller jouer? Tu veux? J'aimerais peut-être mieux que t'ailles t'amuser sur le lit d'éponge plutôt. J'irai jouer là, moi. Il a une nageoire malade? Elle a l'air bizarre. Oh, et qu'est-ce que j'ai fait? Sois gentil, c'est son premier jour d'école. Il a ça depuis qu'il est né. C'est sa nageoire de la chance. Papa. Tu vois, cette tentacule est en fait plus courte que toutes mes autres tentacules, mais c'est pas facile à voir. En particulier quand je les balance comme ça, regarde. Et moi, je suis allergique à l'eau. J'ai pas bon caractère. Nomme-moi les couches. Nomme-moi les couches de la mer immense. Les pipélagiques, le mésopélagique, le bactère, l'abyssal pélagique, tout le reste est tout au fond, ne pas le voir. Oh, tiens, mais où est passée ma classe soudain? Oh, vous voilà. On embarque, les explorateurs. Oh, la chasse au savoir, c'est tellement lyrique quand la pensée est si empirique. Papa, tu peux y aller, ça va? Mais bonjour, qui voilà? Je m'appelle Nemo. Eh bien, Nemo, tout nouvel explorateur passe un examen de science. Ok. Tu habites dans quelle sorte de maison? Dans une anémone. Ok, ne te fais pas mal. Bienvenue à bord, explorateur. Je voulais vous dire, il a une nageoire atrophiée. Si je vois qu'il nage avec difficulté, je le laisse prendre une pause, 10 ou peut-être 15 Papa, minutes. Papa, tu devrais peut-être partir maintenant. Ça va aller, on reste ensemble, tous en groupe. Ok, la classe, orbites optiques vers l'avant. Et n'oubliez pas, nos ganglions supra-ésophagiques n'intéressent que nous. C'est pour toi que je dis ça, Jimmy. Bye, Nemo. Bye, papa. Les trésors. Bye, fiston. Ça nous émerveille. Prends soin de toi, fils. Hey, tu te débrouilles bien pour un père débutant. Bah, on peut pas les garder pour la vie avec nous. Non, et ça a été dur quand mon plus vieux est parti pour la falaise. Bien qu'ils grandissent un peu. Quoi? La falaise? Ils vont aller à la falaise? Oh, mais vous êtes cinglés! Aussi bien les mettre à la poêle maintenant et en faire des fish and chips! Hé, hey, Martin, calme-toi! Ne me dis pas de me calmer, le petit poney! Le petit poney? Pour un poisson clown, il est vraiment pas marrant. Bah non. Nous avons les espèces. Nous avons les espèces qui vivent dans la mer. Viande! Spongiaire et célantrée, hydrozoaire, siphozoaire, ontozoaire, itinophore, briozoaire, mollusques et gastropodes, arthropodes, échinodermes, les cordées, les poissons comme vous et moi. Sentez tous en cœur! Oh! Les nageoires des poissons fauches. Juste les filles cette fois! Oh! Les algues, c'est cool, et les algues marines, ça se nourrit des rayons du soleil. Ok, c'est la falaise. Alors, les enfants, vous êtes libres d'explorer, mais restez dans le coin. Oh, une cyanobactéries stromatolytique, venez voir. Il y a tout un écosystème contenu dans un grain infinitésimal. Il y a autant de paires de protéines enfermées dans cette. Tu en as marre, on s'en va. Chantez avec moi. Spongiaire, c'est l'entrée, hydrozoaire, scyphozoaire, anthozoaire, ténophore et bryozoaire. Les gars, attendez-moi! Wow! Cool! Attention! Oh! Vous m'avez fait perdre mon nom! C'est quoi ça? Je sais ce que c'est. Son diplancton est déjà vu. Il dit que ça s'appelle un bateau. Waouh, wow, c'est vraiment un gros bateau. Et regardez-moi, je vais aller toucher le bateau. Wow. Ah oui hein, venez donc plus près vous pour voir. Ok. Battez ça. Amène-toi Nemo, tu peux aller jusqu'où? Oh, mon père, il dit que c'est dangereux. Nemo, non! Papa? Tu vas t'aventurer en plein océan! Non, je voulais pas y aller! Chance que je me sois trouvé papa, là si j'étais non, pas arrivé, je sais pas. Je voulais pas y aller, monsieur! Non, il avait bien trop peur! Non, j'avais pas peur! Les enfants, ça ne vous regarde pas. Et vous êtes chanceux que je dise pas à vos parents où vous êtes allés. Tu sais que tu nages pas bien. Non, c'est pas vrai, je nage bien, ok? Non, pas ok. Tu devrais même pas t'approcher d'ici. Ok, je le savais. Tu sais quoi? On ira à l'école dans un an. Non, papa, c'est pas parce que c'est toi qui as peur de l'océan. Tu n'es pas pressé clair et tu reviens pas avant de l'être. Tu penses que tu peux faire des trucs comme ça, mais tu peux pas, Nemo! Je te déteste. Rien à voir. Allez, là-bas. Excusez-moi, je peux faire quelque chose pour vous, monsieur? Je suis un savant. Il y a un problème? Écoutez, je m'excuse, je voulais pas interrompre le cours. C'est qu'il nage mal et je crois qu'il est un peu trop tôt pour le laisser s'aventurer ici sans supervision. Je peux vous garantir qu'il est en sécurité avec moi. Ça, j'en doute pas. Mais vous avez une grande classe et on peut le perdre si on fait pas attention. Vous savez, je dis pas que vous faites pas attention. Oh mon Dieu! Nemo s'en va vers le large! Nemo! Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu vas rester coincé là-bas et je vais être obligé d'aller te chercher avant qu'un autre poisson le fasse. Reviens ici. J'ai dit reviens ici, tout de suite. Arrête. Attention, tu fais un mètre de plus, mon garçon. Si tu as le culot, si tu mets une nageoire sur ce bateau, tu m'entends, Nemo? Ne touche pas ce bateau. Nemo! Il a touché le bateau. Bien frétille de la nageoire caudale jusqu'ici, Nemo. Comme ça. Ça va mal pour toi, jeune poisson. Tu m'entends? Ça va! Pour toi. Papa! J'arrive, Nemo! Dissous-moi, les enfants! Nemo! Nemo! Nemo! Non! Non! Non! Hey, un bateau blanc. Ils ont pris mon fils. Mon fils. Aidez-moi, action. Attention. Oh, désolé, je vous avais pas vu. Monsieur, vous avez rien? Il est parti, allons, il est parti. Allons, il est parti. Ça va bien aller. Non, ils l'ont emmené. Il faut que je retrouve le bateau. Un bateau? Hey, j'ai vu un bateau. Ah oui, c'est vrai? Ah, hein, il est passé par ici il n'y a pas longtemps. Un bateau blanc? Salut, je m'appelle Doris. Où est-il allé? Oh, il est parti par là. Il est parti par là, suivez-moi. Oh, merci infiniment. Il n'y a pas de poids. Quoi? J'essaie de nager, moi. Quoi? L'océan est pas assez vaste, je sais pas. Hein? T'as un problème, mon vieux. Hein? Tu veux te battre, mon vieux? Oui. Ouh, j'ai peur maintenant. Quoi? Une minute. J'en ai marre que vous me suiviez, ok? Mais enfin, qu'est-ce qui vous prend? Vous êtes en train de me montrer par où le bateau est parti. Bateau? Hé! J'ai vu un bateau passer par ici il y a pas longtemps. Il est parti par là! Il est parti par là! Suivez-moi! Attendez une minute! Mais qu'est-ce qui se passe? Vous venez de me dire de quel côté le bateau est allé. Ah oui? Oh non. Si c'est une espèce de blague que vous faites, c'est pas drôle. Et je suis un spécialiste. Je suis un poisson clou. Non, je sais. Non, c'est pas drôle. Je vous demande pardon. Pardon. C'est que je souffre de perte de la mémoire courte. Perte de la mémoire courte. J'en crois pas un mot. Non, c'est vrai. J'oublie les choses presque tout de suite. Ça vient de ma famille. Ben, du moins, je crois que ça vient de là. Où sont-ils? Désiré, monsieur. Ça va pas du tout, vous. Pas du tout. Vous me faites perdre mon temps. Je dois retrouver mon fils. Salut. Hé, hey, ça va? Je m'appelle Bruce. Je comprends votre réaction. Pourquoi se fier à un requin, hein? Alors, qu'est-ce que deux petites bouchées dans votre genre font dehors à cette heure-ci? Bien, on fait rien du tout, on n'est même pas dehors. Bien! Est-ce que les petits morceaux voudraient m'accompagner à une réunion entre amis, alors? Comme une petite soirée? Oui, voilà, une petite soirée. Qu'est-ce que vous en dites? Oh, j'adore les petites soirées! Ça a l'air très amusant. Très amusant, oui. Et c'est tentant, mais on peut pas y aller. Oh, s'il vous plaît, j'insiste. Ok, c'est tout ce qui compte, hein. Regardez des ballons! C'est vraiment une petite soirée! Mais gardez vos distances! Ces ballons sont un peu capricieux! Vous aimeriez pas en voir un péter? On a de la compagnie. Ben, il était temps, mon vieux. On a déjà fini les amuse-gueules et j'ai toujours aussi faim. On a presque eu une frénésie de chasse. Allez, commençons qu'on en finisse. On est là? Très bien. Cette réunion est officiellement ouverte. Récitons notre engagement. Je suis un bon requin. Non, une mâchoire qui ne pense qu'à manger. Si je veux vraiment changer cette image, je dois d'abord changer moi-même. Les poissons sont nos amis. Pas de la bouffe. Excepté les affreux dauphins. Les dauphins, oui, ils se croient tellement beaux. Oh, regardez-moi faire mon joli dauphin avec mes nages larges, ça c'est... Alors, aujourd'hui, nous passons à l'étape 5, amener un ami poisson. Vous avez tous votre ami. J'ai le mien. Salut, toi. Et toi, Ram? J'ai peur d'avoir perdu mon... ami. Oh, c'est pas grave, Ram. Je me doutais bien que ce serait un pas difficile à franchir. Sers-toi d'un de mes amis. Oh, merci, mon vieux. Voilà, Ram a un copain. À moi le premier témoignage. Bonjour, mon nom à moi, c'est Bruce. Bonjour, Bruce. Ça fait maintenant 3 semaines que j'ai pas avalé un poisson. Sur mon honneur, ou bien qu'on me découpe pour me faire en soupe. Tu es une inspiration constante pour Amen. Nous. Bien, qui est le suivant? Moi, prenez-moi. Oui, la jolie chérie, en avant. Ouh, à toi la parole. Bonjour, je m'appelle Doris. Bonjour, Doris. Doris. Et, je crois pas avoir jamais mangé un poisson. C'est incroyable, ça, Doris. Excellent, ma vieille. Je suis bien contente d'avoir avoué tout ça. Très bien, quelqu'un d'autre? Et toi, tu témoignes, mon vieux. Quel est ton problème? Moi? J'ai aucun problème. Oh, ok. Dénégation. Commence simplement par ton nom. Ok. Bonjour, je m'appelle Marlin, je suis un poisson clown. Un poisson clown, c'est vrai? Allez, raconte-nous une blague. Oh, j'adore les blagues, moi. En fait, j'en aurais une qui est plutôt drôle. Il y avait un mollusque et un jour, il s'approche d'un concombre de mer. D'habitude, ça parle pas, les concombres de mer, mais dans les blagues, tout le monde parle. Donc, il y a un mollusque et il dit au concombre de mer... Papa! Nemo! Nemo! Nemo! Je la comprends pas. Bon, un poisson clown, il est pas si drôle que ça. Non, non, non, c'est mon fils! Les plongeurs sur un bateau blanc l'ont emmené avec eux. Oh mon Dieu, pauvre poisson. Les humains, ils croient que tout leur appartient. Sûrement des Américains. Tenez ça, ça c'est un vrai père, à la recherche de son petit garçon. Oh, qu'est-ce que ça veut dire, ces inscriptions? J'ai jamais connu mon père, moi. Oh, le groupe se recèle. On est tous copains ici. Je lis pas l'humain. Tiens, alors il faut trouver un poisson qui lise. Hé, les requins! Non, dégage, Doris. Dégage, je peux vous... Non, Doris. Hé, c'est à moi, ça, rends-le-moi. Doris. Donne-moi ça. Oh, pardon. Oui. Ça va, Doris? Vraiment désolée. Tu vas sérieusement sonner, je suis pas pleine de sang. Oh. Ow, ow, ow. Doris, ça va aller, oui. Ouh. Quelle odeur. Intervention. Je suis une bouchette. Non, tiens-toi, mon vieux. Ne fais pas pousser les poissons sur nos amis, pas de la bouffe. Doris, attention. Je mange du poisson ce soir. Un après l'autre, mon vieux. Bon appétit. On ne peut plus sortir. Il doit y avoir moyen de s'échapper. Qui est là? Doris, aide-moi à trouver une sortie. Désolé, vous repasserez plus tard, on essaie de s'échapper. Ok, il n'y a aucune issue. Il y a sûrement une issue. Regarde ce qu'il y a ici. Escape. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est drôle, c'est presque comme le mot échappe. Allons-y. C'est brossé. Attends, mais tu sais lire? Tu sais lire? C'est vrai, je sais lire. Oh, mais alors tiens, lis ça, vas-y. Non, c'est pas méchant, vous savez, il n'a jamais connu son papa. Oh, t'abandonnes pas le papa. Oh non! Bruce! Quoi? Oh, poussez-vous! Poussez-vous! Oh, la petite soirée est finie? Charmant! Préparez cette couronne en derrière, vous voulez? Et je vais avoir besoin d'autres tampons de coton. Ok. Alors, comment ça va? Il est beau, hein? J'ai vu ce petit poisson qui essayait de survivre sur le récif et je l'ai sauvé. Alors, la novocaïne a fait effet? Les bubules! Ah, les petites bubules! Les petites bubules! Je vais vous sauver! C'est mes bubules! Il aime les bubules. Ah, Oh, on se calme, le petit. Tout va très bien, n'aie pas peur. Il est terrorisé. Je rentre chez moi. Vous savez où est mon père? Chérie, il est sûrement là-bas au magasin d'animaux. Magasin? Oui, tu sais, tiens, moi je viens de chez Aquabob. Moi du caméléon. Poissorama. Par la force. Ibé. Alors, toi tu viens d'où? Je viens de l'océan. Ah, l'océan. L'océan? Il n'a pas été décontaminé encore. Jacques! Ouais, nettoie-le. Ça roule. L'océan? L'océan. Adieu. Et voilà le travail. Waouh, la grande bleue. Comment c'est? Grand et bleu? J'en étais sûre. Petit, si tu as besoin de quoi que ce soit, t'as qu'à demander à ta tante Deb, c'est moi. Ou si je suis pas là, tu peux aller parler à ma sœur, Flo. Alors, comment ça va? Écoute jamais ce que ma sœur raconte, elle est folle. On comprend rien, pêche. Je dis qu'il va y avoir de l'action. Oui. Miam, miam, miam. Qu'est-ce que nous avons? Vêtements de canal, avoir l'allure des rayons X, ça va être du sport, mes enfants. Crampon est dit bien installé. Mais... il a fait l'ouverture avec quoi? Une Limgates Glidden, sa préférée depuis quelque temps. Oh, je vois rien. Dégage, Flo. Maintenant, il pratique la technique Schilder. C'est une Limbetstrom, ça. C'est pas une Edstrom, voyons, c'est une Limka. Oh, elle a une coupe transversale conique, c'est une Edstrom. Non, non, une Limka. Edstrom. Une Limka. Edstrom. Conseiller, un coup de main, s'il vous plaît. Je vais aller le dégonfler, moi. Ok, allez-y, rincez. Bah, la bouche humaine est un endroit répugnant. Salut, Nigel. Tu es en retard, qu'est-ce que j'ai manqué? Traitement de canal, et beau. Traitement de canal? Il a ouvert avec quoi? Gates Glidden. C'est sa préférée depuis quelques temps. J'espère qu'il n'aura pas de scellant en trop sur le portail terminal. Bonjour. Qui est-ce? Le petit nouveau. Le dentiste l'a attrapé sur le récif. Un océanique. Du même coin que moi, hein? Désolé si j'ai essayé de te gober un jour. Faut bien que Pélican se nourrisse. Hé hey! Non, non, non, non, c'est pas tes poissons, c'est mes poissons. Allez, attends, ouste, allez, ouste. Ah, le verre est brisé. Ça, c'est Darla, c'est ma nièce. Elle va avoir 8 ans. Tiens, le tout petit, dis bonjour à ta nouvelle maman. Elle va venir te chercher vendredi prochain. Tu es son cadeau. Oh, c'est notre petit secret. Bien, monsieur Tucker, pendant que ça prend, je vais changer mon poisson d'eau. Je reviens tout de suite. Oh, Darla. Quoi? Qu'est-ce qu'elle a, Darla? Elle arrêtait pas de secouer le sac. Pauvre Charlot. C'était son cadeau l'an dernier. Il a fait son dernier voyage dans la porcelaine. C'est une tueuse de poissons. Je veux pas aller avec cette fille. Faut que j'aille retrouver mon père. Ah! Ah! Papa! Aide-moi! Oh, les cousins! Oh non! Que personne n'y touche. Que personne n'y touche. Vous pouvez m'aider? Non. C'est toi qui t'es mis dans cette situation, à toi d'en sortir. Zoui. Tout ce que je veux, c'est pour moi qui l'essaie. Calme-toi. Agite alternativement tes nageoires et ta queue. Je peux pas, c'est parce que j'ai une mauvaise nageoire. Ça m'a jamais dérangé, moi. Allez, réfléchis à ce que tu dois faire. Vas-y, mon gars. Parfait. Ouais, wow. Ouais, bravo, mon gars. Wow, il vient de l'océan. Comme toi, hein, Zoui? Ouais. Je connais ce regard, mon vieux. À quoi est-ce que tu penses? Je pense que ce soir, on devrait lui faire une réception dans les formes. Alors là, je t'as un nom, bien quoi? Nemo. Je m'appelle Nemo. Nemo. Nemo. Ouais, mais bon, c'est pas ce que c'était, mais... tu veux vraiment manger ça? Hé, hey, doucement avec ce marteau. Réveille-toi, debout, vite! Debout! Dépêche-toi. Oui, moi je suis une bleue naturelle. Ah, attention, elle a regardé le poisson. Perdu le masque. Oui, tu l'as laissé tomber. C'est pas moi, c'est toi. C'était ma seule chance de retrouver mon fils, j'en aurais pas d'autre. On a les branchies qui bougonnent. Quand la vie te jette à terre, tu sais ce qu'il faut faire. Je veux pas savoir ce qu'il faut faire. Une promenade en mer, une promenade en mer, une promenade en mer, en mer, en mer. Qu'est-ce qu'il faut faire? Nager, nager. Doris, arrête de chanter. Oh, oh, oh, oh, oh. Doris. J'aime tellement nager. Doris. Quand vous. Tu vois, maintenant, je vais avoir cet air dans la tête toute la journée. Désolé. Doris, tu vois quelque chose? Ah! Un truc m'a attrapé! C'est moi, C'est qui? C'est qui? Qui veux-tu que ce soit? C'est moi! Êtes-vous ma conscience? Oui, je suis ta conscience. Ça fait un moment qu'on n'a pas bavardé. Comment vas-tu? Ça pourrait être pire. Oui, bien. Maintenant, Doris, je veux que tu me dises, tu vois quelque chose? Je vois une lumière. Une lumière? Oui, là-bas. Dis donc, conscience, est-ce que je suis morte? Oh non, je la vois moi aussi. Qu'est-ce que c'est? C'est trop... trop beau. Je me sens si... si bien. Un événement de taille... pour moi. J'ai envie de la toucher. Oh! Hé, reviens! Reviens par ici! Je vais t'attraper! Je vais t'attraper! Je vais t'attraper! Je vais nager avec toi! Je vais t'attraper! Je vais devenir ton meilleur ami! Oh. Je me sens plus bien. Commandant, P, ok, P, pêcheur, je suis pas sûr. Oh, la première ligne, pêcheurman. Pêcheurman, c'est un bâton. Ok, ligne suivante, 42. Mais bougez pas. Lumière. Aveu. T'as fini de lire, dépêche-toi, les plus rapides, devine. Pas de pression, pas de problème, beaucoup de pression. Devine tout de suite avec pression. C'est Sydney. Je suis mort, décédé, mort. Oh yeah. Tu ne manges pas ce soir. Ne mange pas ce soir. Non, tu ne manges pas ce soir. Doris. Tu es au régime. Doris, qu'est-ce que ça dit sur le masque, hein? Fisherman, 42 avenue Wallaby à Sydney. Oh, je me rappelle ce que ça dit. D'habitude, j'oublie tout, mais je me rappelle cette fois. Fisherman, 42... Non, attends, c'est où ça? Aucune idée. Mais on s'en fiche. Ah, je me rappelle. Fisherman, 42 avenue Wallaby, Sydney. Je me rappelle encore. suis-moi. Ben, suis-moi, quoi. Déclinez votre nom. Nemo. Frère Bull, procédez. Nemo, nouveau postulant de l'Orange et du Blanc, tu as été convoqué au sommet du mont Voudrais-tu Kaouyou pour te joindre à la confrérie amicale des aquariotes. Hein? On te veut dans notre club, petit. C'est vrai? Si, tu nous prouves que tu peux franchir le feu de l'anneau. Allume l'anneau de feu. L'anneau de feu. Oh, pardon. Tu as dit que tu pouvais le faire. L'anneau de feu. À partir de maintenant, tu seras connu sous le nom de Appa. Appa, ouah! Bienvenue, frère Appa. Appa, ouah! Bon, assez avec cet Appa. Appa, ou... Oups, pardon. Ok, Appa est maintenant des nôtres, d'accord? D'accord. Et nous n'allons pas l'envoyer à sa mort. Darla va être ici dans 5 jours. Alors, qu'allons-nous faire? Je vais vous dire ce que nous allons faire. Nous allons le faire sortir d'ici, l'aider à échapper à son sort. Échapper? Pour vrai? Nous allons tous nous échapper. Je t'en prie, Zoui, nous sors pas notre plan d'évasion. C'est vrai, Zoui, c'est juste qu'il marche jamais. Pourquoi ce serait différent cette fois-ci? Parce que nous avons lui. Moi? Tu vois ce filtre? Oui. Tu es le seul qui puisse entrer dans ce truc-là et en ressortir. Ce que je veux que tu fasses, c'est que tu ailles placer un petit caillou là-dedans pour bloquer les rouages. Tu fais ça et cet aquarium va devenir rapidement de plus en plus sale. Et bientôt, le dentiste sera obligé de le nettoyer à la main. Pour faire ça, il nous sortira de l'aquarium et nous mettra dans des sacs individuels. Là, nous nous ferons tomber en bas du comptoir. Nous sortirons par la fenêtre, sur l'auvent, dans les bosquets, de l'autre côté de la rue, jusqu'au port. C'est un plan immanquable. Qui est avec moi? Moi. Daisy. Moi. Moi. Moi, je crois que t'es cinglé. Sans vouloir te foncer, petit, mais tu nages pas vraiment bien. Ça va, il va y arriver. Alors, Appa, qu'est-ce que t'en dis? Allez, faisons-le. Je vous l'ai déjà dit, je vais chez Pêcherman, 42 avenue Wallaby, Sydney. Vous, vous allez où? Je vais chez Pêcherman, 42 avenue Wallaby, Sydney. Si vous me demandez où je vais vous dire que c'est là que je vais. Pêcherman, 42 avenue Wallaby, Sydney. Où ça? Pardon, je vous ai pas entendu. Pêcherman, 42 avenue Wallaby, excusez-moi. Sydney. Excusez-moi. Je vous ai pas entendu. Qu'est-ce que vous excusez-moi. Avez dit? Pêcherman, 42 avenue Wallaby, Sydney. Vous savez comment? Hé hey! Oh, oh, attendez, attendez. Vous pourriez me dire? Hé hey, attendez. Mais une minute, j'essaie de vous parler. Ok, les amis, revenez s'il vous plaît. Une petite question rapide. Il faut que... Voilà, adieu. Si vous avez besoin de moi, je serai chez Pêcherman, 42 avenue Wallaby, Sydney. Pourquoi est-ce qu'il faut que je le répète sans arrêt? Je vais vous le redire, je ne m'en fatigue pas, moi. Ok, Pêcher... Doris. Hein? Et, alors voilà. Uh-huh. Tu vois, c'est juste, je crois que ce serait mieux si à partir de maintenant, je veux dire, si je me débrouillais par moi-même. Ok. Tu sais, tout seul. Uh-huh. Enfin, sans, je veux dire, bon, je veux pas dire sans toi, tu vois, mais j'aimerais mieux pas t'avoir... Avec moi. Hein? Je... Non, mais... Écoute, je veux pas te blesser. Tu me demandes de partir? Non, c'est pas ça, oui, oui. C'est juste que, enfin, je peux pas me permettre davantage de retard et tu es un de ces poissons qui causent des retards. Oh non, il y a des moments où c'est utile. C'est vrai, il y a tout un groupe de poissons, les poissons en retard. Tu veux dire... Comment tu veux dire que tu m'aimes pas? Mais oui, je t'aime bien, voyons. C'est parce que je t'aime beaucoup que je préfère pas être avec toi. C'est compliqué comme sentiment. Oh, pleure pas. Je t'aime beaucoup. Hé, vous. Madame, ce gars-là vous importune? Je sais plus. Tu m'importunes? Non. On avait... Hé, dites donc, vous savez comment est-ce qu'on va? Écoutez, mon Dieu, on parlait à la dame, pas vous. Et vous aimez les imitations? Ok, comme à la répétition, messieurs. Alors, que sommes-nous? Devinez. Oh, j'en ai vu des comme ça. Je suis un poisson avec un nez comme une espèce d'épée. Oui, un espadon. Et le petit clown, on souffle pas. Où est le peur à l'ail? Oh, je l'ai sur le bout de la langue. Un homard. T'as entendu? Quoi? Plusieurs jambes, vit dans l'océan. La lourde. Presque. Il était un petit... Oh, ils sont forts. Quelqu'un pourrait pas m'indiquer le chemin? Je fais pas de farce. Blabla, mémé, blabla, blabla, mémé, mémé. Merci beaucoup. Oh là là. Hé, reviens. Qu'est-ce qui te prend? Quoi, qu'est-ce qui me prend? Pendant qu'ils font leurs idiotes imitations, je suis à 1000 kilomètres de chez moi avec un poisson qui se rappelle même pas son nom. Ah, sûrement frustrant, ça. Oui, pendant que mon fils est on ne sait où. Ton fils Chico? Nemo. Oui, c'est noté. Mais ça n'a aucune importance parce qu'aucun poisson dans tout l'océan ne va venir à mon aide. Ben, moi, je viens à ton aide. Attends-moi ici. Hé, hey, les gars! Quoi? Il vous importune encore? Non, c'est un bon gars. Soyez gentil. Il a perdu son seul fils, Fabio. Vous savez ce que c'est, Pêcherman 42 Avenue Wallaby, Sydney? Sydney? Oh, bien sûr! Oui. Voyons, Ted a de la famille à Sydney. C'est vrai ou pas, Ted? Par alliance. Oh! Hé! Hey, ils connaissent Sydney! Aucune idée comment y aller, par hasard? Ce que vous devez faire, c'est suivre le CEA. C'est le courant est australien. Gros courant! Vous pouvez pas le manquer. Il est... par là. Et vous devez le suivre pendant... je sais pas, d'après vous, les gars, 3 lieues environ. Et ce petit coquin vous fera passer juste devant Sydney. Oui, c'est parfait. Doris t'a réussi. Oh, mais non, je ne fais que t'aider un peu. J'aime bien aider, je suis comme ça. Merci, les amis. Merci à tous. Y a pas de quoi. Et relaxe un peu, ok, l'ami? Oh, vous l'avez vraiment bien imité. Bye. Oh, madame, une dernière chose. Oui? Quand vous arriverez à cette tranchée, passez à travers, pas par-dessus. Tranchée, à travers, pas par-dessus. Je me rappellerai. Hé, hey, attends, hé hey hey, attends-moi, partenaire, attends. Attends, il y a un truc que je dois t'expliquer. Oh. Jolie tranchée. You. Ok, allons-y. Mauvaise tranchée. Je pense qu'il vaut mieux passer par-dessus. Hé, oh, partenaire, le drapeau rouge est hissé. Je sais pas, mais quelque chose me dit qu'il faut passer à travers, pas par-dessus. Oh, t'as pas bien regardé ce truc-là? On voit la mort écrit partout. Je m'excuse, mais je suis sûre, absolument sûre, qu'on doit passer à travers. Je suis absolument sûre qu'on a assez parlé de ça. On passe par-dessus. Mais fais-moi confiance. Te faire confiance. Oui, confiance, un ami, ça fait confiance. Oh, regarde, ça brille, là. Où ça? Oh, c'est passé par-dessus la tranchée. Viens, suivons-le. Ok. Eh ben, c'est fou ce que c'est clair par ici. Tu vois? Et regarde là, voilà le courant. On va arriver là-bas en un clin d'œil. Salut, jolie chose. Et toi qui voulais passer à travers la tranchée? Je vais l'appeler Wushi, et il sera bien à moi. Et il sera mon Wushi. Approche, Wushi. Viens me voir, jolie Wushi. Doris, c'est une méduse, voyons. Méchant Wushi. Attends, fais-moi voir. N'y touche pas, non, arrête. Je vais pas toucher, seulement jeter un coup d'œil. Hé, elle t'a pas brûlé, toi, pour quelle raison? Elle l'a fait. C'est juste que... tranquille. Que je vis dans une anémone et les brûlures, je suis habitué. Bon. C'est pas si mal. Ça va bien aller. Mais nous savons à quoi nous en tenir, hein. Oui. Nous ne devons plus toucher à ça. Remercions le ciel qu'elle n'ait pas été plus grosse cette fois-ci. Ne bouge pas. Là, ça va mal, Doris. Hé, hey, regarde ça. Boing. Boing, oh, boing, Doris, boing, boing, tu m'attraperas. Ne saute pas sur leur tête comme ça, elles vont... Ah, te brûler. Boing, boing, youhou, deux d'un coup, fais mieux. Doris, ok, écoute-moi, j'ai une idée. Un jeu. Oui. Oh, j'adore les jeux, prends-moi. Voilà comment je joue. Celui qui s'éloigne le plus vite en sautant sur les têtes des méduses, gars. Ok, les règles. Ok. Défense de toucher les tentacules. Sur les têtes uniques. Un truc sur les tentacules, ok. Avant-marche, préparez. Attends, pas un truc sur les tentacules, c'est tout sur les tentacules. Oui. Attends, Doris. Faudrait que t'ailles plus vite si tu veux gagner. Oh, Doris, oh. Boing, boing, boing, boing, boing. trompe la mort. Voilà ce qu'on fait. Et on s'amuse en même temps. Bon, fais attention, Marco. Oui, on peut pas te faire pleurer quand je vais gagner. Oh, ça me donnera. Abandonne, mon Dieu. Tu peux rien contre l'évolution, je suis bâtie pour la vitesse. Ah, la question est, Doris, est-ce que tu as faim? Hein? Est-ce que j'ai faim? Ouais, parce que tu t'apprêtes à manger mes mille. Est-ce que bon, je pense bien qu'on s'en dit, voilà. Le poisson clown est le vainqueur. Wouhou! On a réussi, regarde-nous. Doris. Oh non. Doris. Doris. Doris. Doris. Est-ce que je suis disqualifiée? Non, tout va bien. En fait, tu es en tête. Mais il faut que tu restes éveillé, hein. Où est-ce que Pêcherman habite? Pêcherman, avenue Wallaby. Sydney. C'est ça. Avenue Wallaby, Sydney. Reste éveillé. Reste éveillé. Reste éveillé. Éveillé. Pêcherman. Éveillé. 42 avenue. Éveillé. Wallaby. Réveille-toi. Sydney. Amenez-moi. Ton père te manque, hein, Appa? Oui. Ouais. T'as de la chance d'avoir un père là-bas qui te cherche partout. Non, il me cherche pas partout. Il a peur de l'océan. Pêche, ça bouge par là? 4 tasses de café, la bûche. Je crois que ça devrait pas tarder. Le lâche pas. Ma première évasion. J'ai atterri sur les instruments. Je visais le bol de la toilette. La toilette? Tous les drains finissent dans l'océan, le jeune. Waouh! Combien de fois vous avez essayé de sortir d'ici? Oh, j'ai perdu le compte. Les poissons sont pas faits pour être dans une boîte, le jeune. Ça finit par faire des effets. Ah, les bébés! Les bébés! Pause, popo! Pause, popo! Il a pris le Reader's Digest, on a 4 minutes et 2 secondes! Voilà ton signal, Appa! T'es capable, le jeune. Ok, on doit faire vite. Une fois que t'es dedans, tu vas nager vers le bas, au fond du réservoir, et je te donnerai les instructions. Ok. Y aura aucun problème, ok? Très bien. Est-ce que tu m'entends? Oui. Je t'envoie le petit caillou. Maintenant, est-ce que tu vois une petite ouverture? Ok. À l'intérieur, tu vas voir une roue à pales qui tourne. Tout doucement, tu vas aller coincer le caillou contre une pale pour bloquer la roue. Doucement, doucement, Appa. J'arriverai pas. C'est pas une bonne idée, Zoui. Tu vas très bien y arriver. Essaie encore. Ok. Comme ça. Tout doux. En douceur. Je l'ai eu, je l'ai eu. Il l'a eu. Super, le jeune. Alors maintenant, remonte le tube et saute. Plus là-bas, d'accord? Non. C'est fini. Coco. Coco. Coco. Oh, il est en vie. Hé, Coco. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, on a tout vu, Coco. D'abord, t'étais comme... Nous, on était comme... Et toi, t'étais comme... Mais de quoi est-ce que vous parlez? De toi, le petit monsieur. Affronter des méduses. Tu pratiques de drôles de sports extrêmes, Coco. Incroyable. Oh, mon estomac. Hey, dis donc, tu vomis pas sur le carapace, Coco. Hein? Je viens de la cirer. Alors, monsieur Tortue... Oh, Coco, monsieur Tortue, c'est mon père, OK? Je m'appelle Georges. Georges? Ah oui? Ok, Georges. Écoutez, il faut que je me rende jusqu'au courant est-australien, CEA. Coco, t'es en plein dedans, voyons. Regarde tout autour. La carapace, Coco. Alors, qu'est-ce qui t'amène en cette belle journée dans le CEA? Ben, Doris et moi, on doit aller à Sydney. Doris, elle va bien? Hein? Oh, la jolie bleue. Elle est au niveau inférieur, Coco. Doris! Oh, Doris. Je te demande pardon. Tout ça, c'est de ma faute. C'est de ma faute. 29, 30, prêt, pas prêt, j'y vais! On se calme là, Coco. Voyons ce que va faire Tortillon en volant solo. Monsieur Méduse, le petit. Monsieur Méduse. Les méduses, trop jolies. Trop jolies. On dirait bien que j'ai fait un truc qui vous plaît à tous. Les cocos. Les cool, coco. Déferle, mon fils. Oh, c'est incroyable, monsieur Méduse. Quand les petits cocos sont juste des œufs, on les laisse sur la plage pour éclore. Et là, et de un, et de deux, ils retrouvent leur chemin vers la belle grande. Ils le retrouvent d'eux-mêmes? Mais Coco, comment vous savez quand ils sont prêts? Ben, on le sait jamais tout à fait, mais quand eux le savent, on sait, tu sais. Oh! Hé, regardez tout le monde! Je le connais, ce Coco! C'est Monsieur Méduse! Eh bien, allez-y, sautez-lui dessus! Désolé, j'étais un peu vague sur les détails. Alors, où est-ce que tu vas? Eh bien, voici, mon fils m'a été enlevé par un matelot. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh non, les enfants, je sais pas si j'ai envie de parler de ça. Oui, allez, bon, ok. Je vis sur un récif très très loin, au bout du monde. Oh mon Dieu, ça va être bon, ça je le sens. Et mon fils, Nemo. Vous voyez, il était fâché contre moi. Je sais pas, peut-être qu'il aurait pas fait ça si j'avais pas été aussi dur. Je sais pas vraiment. Enfin bref, il est parti seul vers le large où il y avait un bateau. Et quand il est arrivé, j'ai vu des plongeurs, j'ai essayé de les empêcher, mais le bateau allait trop vite. Alors on est parti au large pour les suivre. On n'a pas pu les empêcher. Alors le père de Nemo, il est parti au large. Et là, ils sont tombés en plein sur le féroce requin. et il les a fait fuir en les faisant exploser. Dieu du ciel, stupéfiant. Et là, il a plongé à 10 000 mètres. Noir dans le noir. C'est genre noir foncé à cette profondeur, on voit rien. Alors ça va, Bob? Tout ce qu'on peut voir dans ces eaux-là, c'est... Émise par une énorme et horrible créature avec des dents acérées. Une jolie parade, très chère. Et pour s'en sortir, il doit faire exploser. Et ces deux petits poissons ont fouillé l'océan pendant des jours. Sur le courant est australien. Alors il doit être en chemin vers ici à l'heure qu'il est. Ça devrait l'amener dans le port. Le port de Sydney d'ici quelques jours. Je veux dire, il semble que ce gars-là ne reculera devant rien. Pour retrouver son fils. J'espère qu'il va réussir, je vous jure. Ça, c'est un père dévoué, si vous voulez mon avis. Cherche partout son fils Nemo. Nemo ? Il a été enlevé sur le récif par les plongeurs et le poisson. Tenez, vous êtes contente ? Hé, répète-moi ça. Tu disais quoi à propos de Nemo, hein ? Qu'est-ce que c'était ? À moi ? Aux dernières nouvelles, il se dirigeait vers le port. Oh, oh, brillant ! Va bien, le petit? J'en sais rien, mais quoi que vous fassiez, pas un mot sur D-A-R... Ça va, je sais très bien de qui vous parlez. Zoui? Zoui? Salut, Appa. J'ai pas réussi à arrêter le filtre, je m'excuse. Non, c'est moi qui dois m'excuser. J'avais tellement envie de sortir d'ici, tellement envie de goûter à l'océan, j'étais prêt à te faire courir des risques pour y arriver. Rien ne devrait valoir ça. Je m'en veux de pas t'avoir rendu à ton père, le jeune. Oh oui. Hey, hey, hey. Ah ! Eh bien, voilà une nouvelle manière d'extraire une dent. Mon petit gamin. Bien. Heureusement que j'ai extrait la bonne, hein, monsieur le premier ministre. Oh, Nigel, tu viens de manquer une extraction. Oh, il a déjà libéré le desmodonte avec l'élévateur. Oh, mais de quoi est-ce que je parle? Nemo, où est Nemo? J'ai quelque chose à lui dire. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ton père s'est battu contre l'océan entier à ta recherche. Mon père? Ah oui? Ah oui? Oh oui, il a fait des centaines de kilomètres. Il s'est battu contre des requins et contre des méduses et toutes sortes de... Ça doit pas être lui. Tu es sûr? Comment est-ce qu'il s'appelle? Un nom de poisson sportif, ton truite. Marlin? C'est ça, Marlin, le petit poisson clown du récif. C'est mon père! Il a affronté un requin! On dit qu'il en a affronté trois. Trois? Il a dit quoi? Trois requins? Au moins 4800 dents, ça. Tu vois, petit, après que ces plongeurs t'aient emmené, ton père a suivi le bateau qui t'emportait comme un fou. C'est vrai? Il nage, t'en t'es plus, il y va à fond, il donne tout. Et là, trois requins gigantesques le capturent. Il les fait sauter et il descend à des milliers de mètres où il est pourchassé par un monstre avec des énormes dents. Il attache ce dernier à un rocher et quelle est sa récompense? Il doit se battre contre une forêt entière de méduses. Mais voilà qu'il se retrouve avec une bande de tortues de mer dans le courant est australien et on dit qu'il approche en ce moment même de Sydney. Oh, ça c'est un bon gars. Je te cherchais finalement, tu vois, Appa. Il se dirige vers le filtre. Oh, Appa. Non, ça recommence. Appa. Non. Tu as encore toute ta vie devant toi. Attends, on va t'aider. Faut le faire sortir. Donnez-moi ce truc-là. Tout va bien. Oh, est-ce que tu m'entends, Appa? Nemo, est-ce que tu m'entends? Oui, je vous entends tous. Appa, t'as réussi. Appa, tu es couvert de germes. Ça, c'est des triples, jeune. Ok, tout le monde. Il nous reste moins de 48 heures avant l'arrivée de Darla. Cet aquarium va devenir très sale d'ici là, mais nous allons devoir y mettre d'une autre de toutes les manières. Jacques, ouais. Pas de nettoyage. Je vais résister. Tous les autres, soyez aussi crasseux que possible. Pensez immonde. Nous allons rendre cet aquarium tellement sale que le dentiste devra le nettoyer. Comme ça. Sortie, approche bientôt. Ouh, je la vois pas. Juste là, je la vois. Je Tu veux dire ce terrifiant Maelstrom tourbillonnant? C'est ça, Coco! Comme par hasard! Ok, d'abord, trouve ton partenaire de sortie! Alors, tu l'as trouvé, ce partenaire? Oui! Ok, Tortillon va maintenant vous donner un aperçu de la bonne méthode pour sortir! Bon après-midi! Aujourd'hui, nous allons faire un saut magnifique! Ok, faites-moi un 180 solide sur la face! Ça revient dur en arrivant au fond! Alors faites attention! N'oubliez pas, accompagnez, roulez, poussez à fond! On dirait qu'il essaie de me dire je sais pas trop quoi! Tu es très mignon, tu sais, mais j'ai aucune idée de ce que tu racontes. Tu peux recommencer au début? Ok, monsieur Minus, go, go, go, go, go, go, go! C'était marrant. J'ai vraiment adoré cette sortie. Hé, hey, regarde, des tortues! Oh, bien exécuté! Maintenant, faites faire demi-tour à vos queues de poisson et nagez directement vers Sydney! Ça va très bien aller! Très bien, merci beaucoup, Coco Jean! Tu diras bonjour à ton petit coco pour moi! Bye tout le monde! Oh, Nemo aurait aimé ça! Oh! Hé, Georges! Georges, j'oubliais! Quel âge as-tu? 150 ans, Coco! Et toujours jeune! Rock'n'roll! 150 ans! 150 ans! Il faut que je me rappelle ça! Wow! On va là-dedans? Ouais. Pêcherman, 42 avenue Wallaby, Sydney? Ouais. On n'a qu'à nager tout droit. Une promenade en mer, une promenade en mer. Maurice. Eh ben, ça prend du temps. Hé, hey, si on joue à un jeu? Ok. Ok, je pense à quelque chose de orange et de petit. C'est moi. Oui! Ah, ok, celle-là tu devineras jamais. C'est genre orange et petit. C'est moi. Oh, très bien, monsieur le petit malin. Attends un peu, je vais trouver. Et petit, avec des rayures. Moi, et à la prochaine, je dis au hasard, moi. Ok, ça, ça fait peur. Oh, oh, je suis convaincu d'avoir déjà vu ce débris flottant. Ça veut dire qu'on est déjà passé ici. Et ça, ça veut dire qu'on va pas droit. Hé hey. Faut remonter hey. À la surface. Viens, on se retrouvera là-haut. Allons, c'est bien, hey. Suis-moi. Quoi? Relax. Essaie de respirer. Oh. Bon, demandons notre chemin à quelqu'un. Oh, bien. On demande à qui au débris? Y a pas un chat? Bah, y a sûrement du monde, c'est l'océan, idiot. On n'est pas les deux seuls dedans, hein. Voyons. Ok, personne là. Non. Nada. Oh, y a quelqu'un là-bas. Hé, hey, excusez-moi. Doris, Doris, Doris. Ok, là c'est mon tour. Je pense à quelque chose de noir et de mystérieux. On ne connaît pas ce poisson. Et si on lui demande le chemin, il pourrait nous ingérer, cracher, nous arrête. Qu'est-ce qu'ils ont, les hommes, à pas vouloir demander leur chemin? Écoute, je veux pas jouer la carte du sexe pour l'instant. Tu veux jouer une carte? Jouons la carte, restons en vie. Tu veux sortir d'ici, oui ou non? Bien sûr que je veux. Bon, alors, comment veux-tu qu'on fasse ça, à moins d'essayer et d'espérer pour le mieux? Oui, mais Doris, tu comprends pas tout à fait la situation. Fais-moi confiance, hein. D'accord. Excusez-moi, youhou, mon petit. Salut. Sois pas grossier, dis salut. Salut. Son fils Bingo. Nemo. Nemo a été emmené à Sydney. Sydney. Oui, et il est très très important qu'on y soit aussi vite que possible. Alors, est-ce que vous pourriez nous aider? Un effort, cher petit, un effort. Doris, moi, je suis un cher petit. Je ne crois pas que ça soit un cher petit. Oh, oh, oh, cher grand, chère grande baleine. Ok, elle parle peut-être bien que le baleine. Oh, nous devons. Doris. Pouvez-vous. Qu'est-ce que tu fais? T'es sûr que tu parles baleine? Pouvez-vous. Doris, Dieu sait ce que t'es en train de dire. Tu vois, elle s'en va. Revenez! Tu vois, elle revient pas. Tu l'as offensée, je suis sûr. Un autre dialecte, peut-être. Doris. Doris, c'est pas du baleine, tu parles plutôt au estomac barbouillé. Bon, peut-être le baleine à bosse. Non, et c'est pas la bosse. Ouais. T'as l'air malade, en fait. Peut-être plus fort, hein. Non, fais pas ça. Un peu trop orque, ça sonnait un peu orcaise. Ça ne sonne pas orque, ça sonne comme quelque chose que j'ai jamais entendu. Oh. C'est aussi bien comme ça, peut-être qu'elle meurt de faim. Relax, les baleines mangent pas les poissons clowns, elles mangent du krill. Allez-vous-en ! Oh, regarde, du krill. Regarde-moi ça, dégoûtant, absolument dégoûtant. Et tout ça, c'est grâce à toi, je t'ai rendu ça possible. Ça, j'ai dit pas de nettoyage. Oh, je te demande bien pardon. Hé, hey, regardez, un ange de crasse. Oh, les bubules! Oh, j'aime les bubules! Flo? Vous seriez pas mis Flo par hasard? Flo! 9h pile et go dentiste! Ça va, Barbara? Désolé de mon retard. Ok, ok, on y va. On y va, ok. Le jeune Davy Rennes. Ok, il va jusqu'au comptoir, il dépose ses clés. Oh, c'est dégoûtant! Il se retourne vers l'arrière. Je sais pas, je trouve ça bon. Merde, vous vous rendez pas compte qu'on nage au milieu de nos proches? Il arrive. Nom d'un chien, quelle saleté! Barbara, demain, à quelle heure est mon premier patient? Ne prenez rien plus tôt, ok? Il faut que je nettoie l'aquarium avant l'arrivée de Darla. Hé, t'as entendu ça, pas? Oui, il va nettoyer l'aquarium! Il va nettoyer l'aquarium! Oui, on va être propre et tout! T'es prêt à revoir ton père, le jeune? Mais bien sûr! Tu sais, je ne serais pas surpris qu'il soit déjà là-bas, dans le port, attendant son fiston en ce moment. Oui! Tu te rends pas compte? Une baleine? Une baleine à qui t'as demandé notre chemin! Et maintenant, on est coincé ici! Wow, une baleine? Tu sais que je parle de baleine? Non, t'es cinglé! Tu peux pas parler de baleine! Il faut que je sorte! Il faut que je retrouve mon fils! Ah, il faut que je lui apprenne jusqu'à quel âge vivent les tortues! Est-ce que ça va? Là, tout va bien. Ça va bien aller. Non, je pense pas. Oui, ça va aller, tu vas voir. Non, je lui avais promis que jamais je laisserais quoi que ce soit lui arriver. Hein? C'est une drôle de chose à promettre. Quoi? Si tu laisses jamais rien lui arriver à ce gamin, il va rien lui arriver jamais, alors. C'est pas drôle pour ce pauvre Harpo. Que se passe-t-il? Aucune idée. Je lui demandais. Doris. Doris. Je crois qu'il dit qu'on l'a stoppé. Mais bien sûr qu'on l'a stoppé. Arrête un peu d'essayer de parler le baleine, tu vas empirer la situation. Oh, quel bruit étrange. Oh, regarde ce que t'as fait. L'eau est en train de descendre. Elle est en train de descendre. Ah oui, t'es vraiment sûr de ça? Regarde, regarde, c'est déjà à moitié vide. Je dirais à moitié plat. Arrête-moi ça, elle est à moitié vide. Ok, celle-là m'a donné du fil à retordre. Elle dit ou bien qu'on devrait aller se placer dans sa bouche, ou alors qu'il faudrait qu'elle se mouche. Bien sûr qu'elle veut qu'on aille là. Elle nous mange. J'ai bon goût, ma vie, hein? Je suis délicieux, hein? Dis-lui que ça me plaît pas de servir de petit déjeuner. Ok. Oui. Ne parle pas. Ah! Qu'est-ce qui se passe? Vivement! Yeah! Non, une baleine, tu peux pas parler le baleine. Oui, je peux. Non, tu peux pas. Tu crois que tu peux faire tout ça, mais tu peux pas, Nemo. Doris, comment tu sais qu'il va pas se passer quelque chose de très mauvais? Je ne sais pas. Parler de baleine. Ok, tout ce qu'on a à faire, c'est de trouver le bateau qu'elle a emporté. Voilà. Allons-y, Doris. On va y arriver. Bonjour. C'est le matin, tout le monde. C'est la journée. Il fait très beau, l'aquarium est nettoyé. Nous allons sortir de... Nettoyer ? L'aquarium est nettoyé ! Mais comment ? Le patron a dû l'installer hier soir pendant qu'on dormait. Mais qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce que ça dit, Pêche ? On comprend rien, Pêche. L'Aquaspire 2003 est un purificateur d'eau salée à multiples usages qui ne demande pas d'entretien régulier et qui prolongera même la vie de vos poissons. L'Aquaspire a un programme qui teste l'eau de l'aquarium toutes les 5 minutes. Test ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Température 27 degrés, équilibre pH normal. Ouh. Génial. Sois maudit, Aquaspire. Oh Dieu, notre plan d'évasion, il est ruiné. Alors, mais qu'est-ce qu'on va faire pour sortir? Cache-toi, John. Fausse alerte. Oh, mes pauvres nerfs n'en peuvent plus de ce régime. Qu'est-ce qu'on va faire quand cette petite peste va arriver? J'y pense. Ah, Flux! Nemo! Cours, j'arrive, tiens bon, petit! Nage vers le fond! Tiens bon, nage vers le fond! Allez, pousse! Tout le monde va pousser! Vers le fond! C'est ça! Ben voyons! Ouais! Bon travail! Flux! Nemo! À pas! Roule, petit! Vas-y, jeune! On a failli faire une vilaine chute. Oui, je peux me retrouver. Calme-toi, Nemo. Ne me laisse pas venir le T'auras pas le ventre en l'air, je te le promets. Tout va très bien aller, tu vas voir. Darla! Alors, aucun de ces bateaux ne t'est familier, tu es sûr? Non, mais ce bateau est sûrement quelque part. Allez, viens, Doris, on doit le retrouver. Ça m'excite, hein? Ça t'excite, toi? Doris, t'endors pas, t'endors pas! Un canard! C'est pas un canard, c'est un pélican! Non! J'ai pas fait tout ce voyage pour me faire digérer! Hey, Nigel! Regarde ça! Et quoi? Mais à peine jour et Gérald en a déjà plus qu'il peut engloutir. Ouais, je crois qu'on devrait l'aider un peu, le beau gars. Ouais. Ah, ne vous envolez pas tous à la fois, hein? Alors, Gérald, qu'est-ce que t'as? Le poisson t'a mangé la langue? Nom d'un chien! Il faut que je retrouve mon fils Nemo! Nemo? Hé, c'est lui, le poisson. Tu sais celui dont je vous ai parlé qui s'est battu contre tout l'océan? Hé, je sais où est votre fils. Hein? Hé, attendez! Reviens un peu! Arrêtez! Doris, arrête pas! C'est un fou! J'ai quelque chose à vous dire! À moi. Ok, ne faites aucun geste soudain. Réfugiez-vous dans ma bouche, si vous voulez survivre. Dans votre bouche, hein? Ben voyons, et comment est-ce que ça va me faire survivre, hein? À moi? Parce que je peux vous amener à votre fils. Tu parles? Je connais votre fils. Il est orange et il a une mauvaise nageoire d'un côté. C'est Nemo! Te recevoir. Alors, voyons ces perles blanches. Je suis un piranha. Ils sont dans la Amazon. Et un piranha est un poisson, comme ton cadeau. Je vais avoir un poisson, Pauvre créature. Il est mort. Papa. Oui, poisson. Je pense que j'ai laissé ton cadeau dans l'auto, chérie. Oh, je le veux. Je vais le chercher. Il est en vie. Il est pas mort. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il fait le mort? Il va se faire évacuer par la toilette. Il va sortir d'ici. Oui, il va se faire évacuer. Il est malin, ce petit gars-là. Oh non, pas la poubelle. Nemo, non. J'ai trouvé son père. Où est Nemo? Où est-il? Le dentiste, le dentiste. Mort, regarde. C'est quoi un dentiste? C'est quoi? Nigel, allez ici. Je peux pas aller là. Oh oui, vous pouvez. Mais qu'est-ce que... Il a réussi. aussi. Ouais. Comme je suis comme moi, tu vas bien s'en tirer, Zoui. Sûrement, oui. Tous les drains mènent à l'océan. Je suis vraiment désolé. Vraiment. Hey. Doris, si ça n'avait pas été toi, j'aurais même pas pu me rendre jusqu'ici. Je te remercie beaucoup. Hé, attends une minute. Mais attends, où est-ce que tu vas? Tout est fini, Doris. On est arrivé trop tard. Nemo est parti. Et moi, je rentre chez moi. Non, tu peux pas. Arrête, Marlin. Reste, s'il te plaît. Tu veux? Jusqu'ici, personne n'était resté si longtemps avec moi. Et si jamais tu t'en vas... Si tu t'en vas... C'est juste que je me rappelle bien mieux les choses avec toi, je te jure. Pêcherman, 42... 42... Oh, je me rappelle, je t'assure, c'est là. Je sais bien, parce que quand je te regarde, je le sens pour vrai. Et je te regarde et je me sens... comme chez moi. Je veux pas que tu t'en ailles. Je veux pas oublier. Je m'excuse, Doris. Mais moi, je veux. Man du paradis. Oh, le doux nectar de la vie. Hey, ici, hey. C'est notre place. Ouh, allez-vous-en. Hé! Ouais, c'est ça, mon vieux. Nage, t'as compris. Trop vrai, camarade. Oh, j'en ai un bien vivant. Hé, vous avez vu mon père? Je t'attrape. Non! Reviens ici. L'a laissé s'enfuir. Papa! Papa! Papa! Excusez-moi. Non. Vous allez bien? Je sais pas où je suis. Ni ce qui se passe. Je crois que j'ai perdu une personne, mais je n'arrive pas à me souvenir. Et... Ça Il va. Il faut que je me souvienne. C'est pas grave. Cherche quelqu'un, moi aussi. Hé, on pourrait chercher ensemble. Je m'appelle Doris. Et moi, Nemo. Nemo? C'est un joli nom, Nemo. C'est ton père ou mon père? Mon père. C'est noté. Papa! Où est-ce qu'on est, au fait? Papa! Papa! Si... Sydney. Pêcherman 42 avec Sherman. Nemo! C'est toi! Toi! Ah, tu es Nemo! Oui, c'est moi, Nemo! C'est toi, Nemo! T'étais mort! Je t'avais vu! Et là, je... Oh, te voilà! Je t'ai retrouvé! T'es pas mort! Et ton père... Oh, ton père! Mon père! Vous connaissez mon père? Il est par là! Il est parti par là! Vite! Hé! Vous avez pas vu un poisson orange passer pas loin? Et il est identique à celui-ci! Mais en plus gros! Ouais, je l'ai vu, Bleuette, mais je te dirai pas où il est allé! Et t'arriveras pas à me forcer à te le dire! À moi. Hein? Ah, d'accord, je te le dis, je te le dis. Il est allé à la zone de pêche. Hé, hey, attention. Oh, pardon, je vais essayer de rentrer chez moi. Nemo. Nemo. Nemo est vivant. Doris. Ça va, mon fils. Tu vas bien aller. Demi-tour, vous allez dans la mauvaise direction. Il a vu. Il est juste derrière nous. Je sais que tu peux. Nageoire de la chance. Vas-y, fais vite. Dis à tous les poissons de nager ensemble vers le fond. Et alors, vous avez pas entendu mon fils? Bon boulot. Doris, hein? Il faut qu'on dise à tout le monde de nager ensemble vers le quoi, fond. Vers le fond. Vous comprenez ce que je vous explique ou non? Nager vers le fond. Tout le monde nage vers le fond. Dépêchez-vous, il faut nager vers le fond. Vers le fond. Nager. Le fond. Tu sais quoi? Quoi? Les tortues de mer, j'en ai rencontré une. Et elle avait 150 ans. Est-ce que tu te rends compte? Elle avait 150 ans? Ouais. C'est que Sandy Plankton, il disait qu'elle vivait seulement 100 ans. Sandy Plankton? Tu crois que je traverserais tout l'océan pour en savoir moins que Sandy Plankton, hein? Elle avait 150 ans, pas 100 ans. Qui est-ce que Sandy Plankton? On part pour l'école. Allez, debout, on y va. C'est moi qui vais gagner. Non, tu gagneras pas. J'ai gagné. Oh, mon propre fils me bat. On embarque, les explorateurs. Et là, il y a le concombre de mer qui se tourne vers le mollusque et qui dit, avec des amibes comme ça, qui a besoin d'anémones. Ah, salut Nemo. Qui est-ce? Un étudiant père. Je viens du CEA, Coco. Joli. Oh oui. Sérieusement, Martin, t'as vraiment fait tout ce que t'as dit que t'as fait? Bah, pardonnez-moi. Salut. Allons, pas d'alarme. Non, on voulait juste s'assurer que notre nouveau membre arrive en sécurité. Merci, les gars. Bien, alors, à la semaine prochaine. Suis bien à la lettre le programme, Doris. N'oublie pas, les poissons sont nos amis. Pas de la bouffe. Bye. Accrochez-vous, on y va. Prochain arrêt, le savoir. Bye, fils. Amuse-toi bien. Bye, papa. Oh, oh, monsieur Ray, attendez, j'ai oublié quelque chose. Je t'aime, papa. Je t'aime aussi, fils. Bah, ça va. Tu peux me laisser aller. Désolé. Allez, va vivre les aventures. Bye. À tout à l'heure, les copains. Bye, Nemo. Nemo. Nemo. Bye, Nemo. On se verra après l'école, Doris. Bye, papa. Bye, fils. Barbara? J'y comprends rien. Ils disent que ce truc est garanti à vie et il est déjà brisé. Va falloir que je nettoie l'aquarium moi-même, que je sorte les poissons, les mette dans des sacs. Mais où ils sont passés? Amène-toi, pêche! Allez, dépêche-toi, pêche! Tu vas y arriver, voilà, c'est bien! Comme ça. Un petit pas. Tu vas y arriver! C'est le feu vert le plus court que j'ai jamais vu! Allez, plonge, pêche! Et maintenant. Somewhere beyond the sea, somewhere waiting for me, my lover stands on golden sands and watches the ships that go sailing. See, she's there watching for me. If I could fly like birds on high, then straight to her arms I'll go sailing. It's far beyond the stars, it's near beyond the moon. I know like before, happy we'll be beyond the sea, and never again I'll go sailing. Sailing, sailing, ceiling. Goodbye, farewell, my friend. No more sailing. So long, sailing. No more sailing.